Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi matin. Nous vous proposons cette semaine de redécouvrir quatre émissions qui célèbrent les rencontres entre philosophes et cinéastes ou entre la philosophie et le cinéma. Ce matin, Crash de David Cronenberg ou Les eaux troubles de la perversion. J'ai une obsession particulière pour le corps, lance David Cronenberg au Festival international du film policier de Beaune en avril 2018. Et depuis 1969, cette obsession s'exprime dans les longs métrages devenus cultes, Scanners en 79, puis Vidéodrome en 83, suivi de Dead Zone, La Mouche, Crash, Existence, History of Violence, Les Promesses de l'Ombre. La peau se tend, se fend, craque, glisse, de pénétration en cicatrice, de métamorphose en combat, de scènes de repas ordinaires en moments de lutte armée ou à point nu. Le corps, mais aussi la technologie, les jeux vidéo, les écrans et la téléportation, la maladie et l'argent, l'ombre et la lumière, Cronenberg projette sur l'écran sa passion du réel et du fantastique qui, dans son univers, avance main dans la main jusqu'au clash. La plupart des grands philosophes, le corps importait peu. Kant, Hegel ou d'autres évitaient la réalité du corps. Et leurs pensées étaient abstraites, conceptuelles, théoriques. À mon avis, c'est une erreur. Parce que si votre philosophie doit s'ancrer dans le concret de la condition humaine, eh bien votre philosophie doit inclure une analyse de la réalité du corps humain. À mes yeux, en tant qu'artiste, il en va de même. Le premier aspect de l'existence humaine, c'est le corps. Et en tant que cinéaste, qu'est-ce que l'on fait? On prend une image de corps, de visage. Le corps constitue l'objet principal d'étude du cinéaste. Bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Vous reconnaissez la guitare lancinante de Crash? Oui. Une fois qu'on a vu le film, après on est tout de suite transporté à l'intérieur de voitures fracassées. Vous êtes philosophe, professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers. Vous dirigez aussi la chaire de philosophie à l'hôpital GHT Psychiatrie et Neurosciences de Paris. Vous êtes donc absolument parfaite pour cette émission. On parlera autant de santé, de maladie, de corps et de philosophie. On vient d'entendre la voix de Cronenberg qui compare le métier du philosophe à celui de cinéaste avec, dit-il, cette même obsession pour le corps. Oui, avec une obsession un peu inversée dans la mesure où il signale que, et c'est vrai, alors c'est vrai, en partie vrai, que les philosophes, et notamment les Grecs, on va dire, chez Platon, vous avez tout à fait ça, soma, sema, hein, ont joué sur le fait que le corps est tombeau, et puis qu'il fallait mettre en place non pas une disqualification, une dévalorisation du corps, mais que si, tout de même un peu, l'enjeu de la construction de l'âme était de se dissocier de la non-permanence du corps, et donc de comprendre que la seule éternité viable est celle des idées. Bon, et c'est vrai que là, tout d'un coup, ce qui est une autre manière de s'occuper du corps, si j'ose dire, mais par la via negativa. ce qui est assez merveilleux avec le cinéma, c'est que c'est la mise en mouvement et que tout d'un coup, l'objet corps en lui-même est requalifié, esthétisé peut-être. Et d'ailleurs, c'est pas rien chez Cronenberg qui a véritablement pensé l'esthétique du corps jusqu'à son maximum à la fois de jouissance et de destruction. Et les deux, hein, voilà, il y a une espèce de béance à la fois sexuelle et de blessure. Bon, et donc ça, c'est une chose qui est assez étonnante. Et le cinéma permet, tout simplement d'être devant ce spectacle-là. Crash en particulier, le film sort en France sur les écrans en 1996 lors du Festival de Cannes. Il provoque un tel scandale que le jury d'abord refuse de se prononcer Les membres du jury du Festival de Cannes ne veulent pas donner leur avis sur ce film qu'ils jugent absolument scandaleux. Et c'est vrai, quand on le revoit aujourd'hui, c'est assez étrange parce qu'il fait à la fois ambiance d'un film porno des années 80 qui aurait mal vieilli alors qu'on est déjà en 96 et en même temps avec ces espèces de réflexions qui ne passent que par l'image qui sont vraiment philosophiques, on va le voir. Ce paradoxe est très étonnant. Alors c'est vrai que c'est un film qui est très très intéressant pour comme support d'une conceptualisation. À regarder, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué d'abord parce qu'il y a des vraies longueurs, parce que c'est aussi un film qui est en boucle. C'est-à-dire que chaque scène, presque, revient sur les mêmes thèmes. Donc il y a un effet répétitif, comme ça, lancinant avec le réel de la mort, le sexe, le démembrement, la folie de la mégalopole, le fait pour moi qui est peut-être l'un des plus beaux thèmes qui soit traité par Crash, c'est-à-dire l'absence de monde commun. C'est pour moi un des thèmes vraiment centraux dans Crash. Il n'y a plus de monde commun. Le réductionnisme relationnel, c'est-à-dire que la seule manière de faire relation, c'est la perversion. La seule manière de vivre une expérience, c'est le crash. Et donc, sous couvert d'intensité, c'est au contraire un appauvrissement, mais perceptif, total, où on vient se fabriquer du simulacre pour essayer de jouir, pour essayer de vivre, pour essayer d'expérimenter. C'est la fin de la possibilité de l'expérience, d'une certaine manière. Il faut en passer par l'accident pour avoir une expérience. Donc, ce sont des thèmes géniaux, je dirais, à regarder. On a parfois, alors il y a des vrais moments, parce que Cronenberg est un cinéaste quand même assez génial, donc il y a des moments très beaux, même sur les images comme ça, des voitures, du flux, etc., des esthétiques de la reconstitution des accidents. Et puis à côté de ça, il y a un côté quand même un peu, vous l'avez dit, pas porno-chic, un peu ridicule, un peu, tiens, les filles sont blondes, tiens, elles portent des jartelles. Mais tiens. Qui est complètement assumé, cela dit. Totalement, et c'est l'un des rares films qui paraît, qui est produit en Amérique du Nord, où l'on voit vraiment des scènes de sexe. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans la suggestion. Il y en a beaucoup et on voit tout. On voit beaucoup, effectivement, et avec des grandes thématiques basiques, sexistes de base, enfin vraiment la fille sur la voiture, etc., etc. Mais ça, c'est pas, mais c'est le livre. C'est l'adaptation d'un livre de Ballard qui s'appelle Crash. Donc il faut en même temps rendre à César ce qui est à César. Et dans le livre, c'est pareil. Et je dirais même que dans le livre, c'est presque pire parce qu'il y a véritablement, avec la plume, le fait d'aller traquer la pénétration du crash, donc d'un bout de ferraille qui vous rentre dans la peau, et bien évidemment de l'assimiler à une pénétration sexuelle et de jouer de cela de façon quasi chirurgicale et avec le fait que encore une fois, que ce soit le plaisir pur, l'orgasme ou au contraire la destruction pure, en fait ça donne le même rapport libidinal au monde. Voilà, on va essayer de comprendre ça ensemble avec un premier extrait qui se trouve pas au tout début du film, un peu plus tard, mais qui donne le ton du film. Comment est-ce que la reconstitution d'accidents de voiture peut être pour les personnages l'occasion d'une excitation sexuelle qui doit conduire à l'orgasme? Écoutez, vous allez faire connaissance avec le personnage de Vaughn, dont le but est de reconstituer les crashs mythiques, dont celui de James Dean. The third and in some ways most important player, the college student, Donald Turnipseed, played by movie stuntman Brett Trask. Brett Trask. Turnipseed rentrait chez lui, à Fresno, pour aller y passer le week-end. James Dean était en route pour aller disputer une course à Salinas. Salinas est une ville poussiéreuse au nord de la Californie. Leur rencontre n'allait durer qu'un seul instant. Mais c'est ce moment-là qui le fit entrer dans la légende. Vous constaterez que nous ne portons pas de casque, aucun rembourrage d'aucune sorte, aucun arceau de sécurité et aucune ceinture dans nos voitures. Oui, notre existence est entre les mains expertes de nos talentueux pilotes. Ainsi, nous vous offrons la plus extrême authenticité. Allons-y. On est prêt. L'accident mortel de James Dean. Go. Ah, voilà, et ça fait partie des nombreuses scènes d'accident que l'on voit tout au long du film. Il y a tout une analyse à faire de l'importance de l'accident comme étant le lieu de la recherche d'une extrême authenticité, dit le personnage Cynthia Fleury. Comment est-ce que l'accident nous met face à l'authenticité ? Alors, ça c'est assez vrai. Hein. Je veux dire par là que moi j'ai écrit un livre qui s'appelait Precium Doloris, l'accident comme souci de soi, pour précisément raconter cette histoire d'un accident qui vient tout simplement être l'occasion d'une ressaisie du sujet, alors non pas au moment de l'accident même, mais dans la récupération, dans l'appropriation post-accidentelle par le récit, par le fait d'essayer de comprendre comment ce qui paraît s'extraire de l'histoire, être un accident, ne pas avoir de sens, peut éventuellement porter une signification plus profonde. Et de toute façon, et ça, on le voit au niveau clinicien, si la personne n'arrive pas à faire cette réappropriation symbolique de son propre accident, généralement, elle ne guérit pas, elle ne se rétablit pas. Donc, de toute façon, cette sublimation de son propre accident, c'est absolument la voie, entre guillemets, de la santé. Bon, donc, de ce côté-ci. Mais, à ceci près tout de même, qu'on ne fabrique pas l'accident. Alors, certains diront qu'ils sont plus ou moins responsables et qu'il y a des conduites, de fait, à risque. Oui, c'est un vrai. Accident, par définition, ne se prévoit pas, sinon c'est pas un accident. Voilà, normalement, non. Là, c'est encore autre chose. On a, et c'est très intéressant, et c'est pour ça que Baudrillard avait aussi consacré un texte à Crash. Sur Crash, ouais. Sur Crash, comme précisément le premier grand roman de la simulation, hein, de la construction du simulacre, avec ceci que seul le simulacre est vrai, d'une certaine manière. Seul le simulacre, parce que tout est fabriqué. Donc on pourrait partir du principe que rien n'est authentique. Mm-hmm. Nous ne sommes pas dans l'accident de James Dean. Donc nous sommes oui, c'est dans un une spectacle réplique qui s'assume comme tel devant exactement. Un public où le personnage dit je vais dans la voiture de James Dean. Exactement. Donc c'est une réplique, c'est un simulacre. Et pourtant c'est encore plus vrai que la réalité. Et pourtant précisément, en tout cas c'est la thèse posée ici par le personnage principal, Morgan, pour dire on va pouvoir accéder à l'authenticité, à un rapport au réel absolument différent. Alors c'est totalement pervers. Pourquoi pervers ? C'est pervers dans la mesure où vous avez une construction totale d'un événement traumatique tout de même, puisque c'est redit, nous ne mettons pas, on flirte avec la mort, nous ne mettons pas les ceintures, donc c'est normalement la reconstruction d'un accident mortel, donc normalement ça doit se terminer par la mort, ça ne se terminera pas par la mort, ça se terminera par un flirt terrible avec la mort, et c'est ça qui est pervers, et le tout, bien évidemment, parce que c'est fondamental, c'est une mise en scène, et donc c'est un spectacle, c'est-à-dire qu'il y a l'œil des autres, il y a le voyeurisme, et Dieu sait si Cronenberg, le voyeurisme, c'est un thème connexe, il n'y a absolument aucune sexualité possible et aucune jouissance possible s'il n'y a pas un œil extérieur. Donc ça s'appelle une structure perverse. Donc ça raconte à la fois, je dirais, quelque chose qui est typiquement de la perversion entre des êtres, mais là ce qui est plus intéressant aussi, c'est comment. C'est pour ça que je disais au départ que c'est un livre et un film sur le réductionnisme relationnel. C'est que la seule manière de faire communauté, c'est de se réunir sur ce délire pervers, autour de ce délire pervers. Et là, tout d'un coup, il y a une forme de communauté qui se met en place, avec une fraternisation possible, avec éventuellement, bien sûr, toujours des relations sexuelles éparses ici ou là, mais tout de même, une communauté qui va partager quelque chose, un moment de sensibilité. L'accident de James Dean est reconstitué dans l'extrait qu'on a entendu, mais un accident a vraiment eu lieu au début du film. C'est la troisième scène. Le film s'ouvre avec l'image d'un sein de femme qui se colle sur un capot, un homme qui vient derrière, l'attraper par derrière, et puis ensuite la caméra va vers un autre personnage principal qui est en train de coucher avec son assistante, son opératrice, parce qu'il tourne des films derrière une porte. Et puis enfin, les deux personnages se retrouvent. On comprend, on a présenté ainsi les deux personnages principaux qui chacun avait une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. La scène d'après, Ballard est à son volant et a lieu une collision qu'on voit vraiment à l'image avec un champ contre champ entre deux voitures. Un corps traverse son pare-brise, vient se mettre à côté de lui et il voit l'épouse de la personne qui est morte en face. Ils vont se retrouver à l'hôpital et ainsi va commencer une histoire plurielle entre les différents personnages qui vont vouloir rejouer cette scène de l'accident. Écoutez comment, lorsque Ballard est à l'hôpital et sa compagne, Catherine, vient le voir, une des premières choses qu'elle fait, c'est lui raconter ce qui s'est passé en le caressant. Et on voit ici que le récit de l'accident devient source d'excitation sexuelle. Both of the front wheels of their car and the engine were driven back into the driver's section, pawing the floor. Il y avait encore du sang sur le capot. Des serpentins de dentelle noire fuyant vers la gouttière des essuie-glaces. Une brume de sang s'était déposée sur le siège et sur le volant. Et le tableau de bord s'était courbé dans l'habitacle. Les cadrans du compteur et de la pendule n'ont pas résisté. L'habitacle était déformé. Il y avait de la poussière, du verre et des paillettes de plastique partout à l'intérieur. Les tapis de sol étaient humides, étachés de sang et d'autres liquides corporels ou mécaniques. Alors, ce qui est intéressant dans cette scène, Cynthia Fleury, c'est que le personnage masculin arrête la scène juste avant le moment de la jouissance, comme s'il soit pétri de culpabilité, soit, enfin, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, mais qu'il suspend la jouissance alors que c'est leur obsession à l'un et à l'autre. Même quand il couche avec d'autres personnes, il ne cesse de s'interroger, as-tu joui, as-tu un orgasme, etc. Et là, hop, il s'interdit. Oui, alors, ça, je sais, sincèrement, je ne sais pas comment interpréter de manière définitive cet interdit, parce que c'est pas le fait de dépasser ses limites à ce niveau-là est quand même là aussi un sujet chez Cronenberg. Donc, on est dans un univers de culpabilisation possible. Je pense aussi que c'est la découverte, peut-être, tout simplement. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on voit que nous avons là un couple qui, depuis un certain temps, à une vie sexuelle qui passe par du tiers, mais, si j'ose dire, des tiers vivants. Et puis là, tout d'un coup, je crois qu'ils font une entrée dans une découverte nouvelle, en tout cas lui, qui est que, éventuellement, demain, la relation de jouissance passera par quelque chose d'encore plus, déterminant et transgressif, c'est-à-dire des morts ou une confrontation avec la mort. Et je pense que c'est ça qui, éventuellement, l'arrête, parce que, il y a quelque chose, effectivement, alors c'est Thanatos, c'est Eros et Thanatos qui sont mêlés ensemble, mais c'est la découverte de ça, parce que très sincèrement, quand on voit le film et son visage, sur son visage se lit l'orgasme. Donc c'est pas une absence d'orgasme, c'est un orgasme qui est immense. Et je pense que cette immensité de l'orgasme face à la réalité morbide, total, parce qu'en plus il a déjà le corps totalement marqué, hein, donc c'est très important dans l'esthétique, son corps est non pas démembré, on n'en est pas là, mais il y a déjà du fer, des plaques, etc. Il y a eu un mort à côté de lui, il y a eu une autre accidentée, enfin on est très clairement dans le registre maximum du mortifère, et je pense que c'est ça qui tout d'un coup l'interpelle sur son propre sujet. En se disant, mais non pas quel malade je suis, mais tiens, un nouveau territoire s'ouvre, c'est le territoire de la mort et du sexe absolument entrelacé, et pour le coup, le territoire d'une jouissance possible avec sa partenaire. Et qui passe aussi par la parole, parce qu'elle décrit l'accident. Elle décrit, et puis tout l'enjeu encore par le récit, et donc par la langue, c'est de faire que, c'est très précis sur les tableaux de bord, sur les pièces qui vont rentrer, je l'ai dit tout à l'heure, dans les chairs, et donc ce jeu de pénétration réciproque entre d'un côté la technique et puis de l'autre côté la chair humaine. Et c'est pour ça que d'ailleurs Baudrillard dira quelque chose de très juste en disant, c'est aussi le roman de Ballard, le retournement. C'est le roman du retournement de la technique, parce que jusqu'à présent, et c'est ça aussi l'effet pervers, jusqu'à présent, la technique était une extension positive de l'homme, une espèce d'augmentation, mais au sens de, grâce à l'outil, j'arrive à faire quelque chose en plus. Et puis là, tout d'un coup, on a quelque chose, au contraire, qui permet la destruction du corps humain. Donc on a une extension, mutilation du corps humain, qui reste, entre guillemets, une augmentation, parce qu'elle est quand même même le signe de la jouissance, mais qui est quand même une augmentation très particulière parce qu'elle est aussi déficitaire. Donc c'est le voilà, c'est un retournement grandiose de la technique. Et ça, vous l'avez sur ce petit lit d'hôpital, en plus avec c'est un lit d'hôpital très particulier parce que c'est un univers d'aéroport, donc totalement vide, absolument glauquissime. Donc voilà, je pense que c'est l'entrée, si vous voulez, dans la pénombre, l'entrée dans la part de l'ombre qui fait que soudainement il est un petit peu en arrêt. Parce que la collusion entre le corps et la voiture va engendrer une espèce de corps mutant. Et tout au long du film, on va croiser des personnages qui, parce qu'ils ont été accidentés, ont non seulement un corps scarifié, mais un corps additionné de prothèses, souvent métalliques, qui sont l'objet d'excitation sexuelle supérieure encore, mais qui laissent penser qu'en fait l'accouplement a lieu entre le corps humain et un corps, une entité technique. Tout à fait. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le fait presque auto-érotique, hein, d'un rapport à soi qui passe par l'interface homme-machine et qui déjà là est créative d'une masturbation supérieure et puis d'une jouissance et d'un rapport au fantasme supérieur. Et donc ça, c'est déjà soi avec soi. C'est pour ça que c'est véritablement aussi du réductionnisme et qu'il y a une perte de monde commun, parce que, si vous voulez, la seule relation au monde, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est que ce sexe et cette mort combinés ensemble. Et alors, bien évidemment, la manière la plus auto-référentielle, c'est d'être soi-même un corps étranger par... Ah, c'est ça, le métal introduit de l'altérité en soi. Oui, c'est une altérité quand même, mais en même temps, c'est bien évidemment tout sauf une altérité. Mais ça reste quand même une altérité. Donc, ça permet un rapport comme ça, érotisant à soi, qui crée quelque chose. Et puis, en plus, après, éventuellement, parce que tout de même, ils font l'amour à deux et avec d'autres partenaires. Mais pareil. Et puis, on voit très bien que vient s'inscrire sur le corps, hein, une espèce de périple, hein. Il y a une espèce de mythologie des accidentés, hein, une mythologie des héros inversés. Alors, il y a toujours eu ça, hein. Et même si on reprend simplement, parce que c'est pas rien l'accident de voiture. Alors, on parle de James Dean, nous, on pourrait parler de Camus, etc. C'est d'ailleurs souvent plutôt des hommes, hein. Et c'est pour ça que peut-être, d'ailleurs, c'est d'autant plus déstabilisant quand c'est une femme, parce qu'il y a moins d'accidents, en tout cas d'accidents, de grands accidents mythiques de femmes. Il y a, Grace Kelly, etc. Il y a d'Orléac aussi. Les Didi, bien sûr. Mais si vous voulez, c'est quoi, en fait, un accident? Et surtout, quand on est une jeune personne, c'est un arrêt dans la vitesse. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est un arrêt en fait qui va vite. C'est un événement sublime en soi. C'est une apothéose en fait. Et on a ça chez, c'est quelque chose de métamorphique. Et c'est un grand thème chez Cronenberg. On a toujours dans ses films cette ligne comme ça de métamorphose et de destruction qui ligne totalement mêlée et qui vient raconter, bah, toujours quand même. L'émergence d'autre chose. Alors quoi, je sais pas. Est-ce qu'on peut appeler ça un sujet? Je ne sais pas, parce que on a un autre film qui s'appelle La Mouche. Oui. Je ne sais pas si La Mouche est un sujet. Alors La Mouche raconte l'histoire d'un homme qui veut se téléporter, et à la suite d'une téléportation réussie, une mouche s'était logée dans la cabine, et ce qu'il n'avait pas vu venir, c'est que les deux corps allaient muter et que lui-même, à mesure que le film avance, va se transformer en mouche. Il faut le dire, c'est une scène complètement gore, hein, d'ailleurs, au sens premier du terme. C'est absolument insoutenable de voir cette mutation. Oui, parce que ça craque. Ça craquelle, voilà. C'est immonde, il y a des pustules partout, et on sent le plaisir de Cronenberg à filmer et à donner à entendre cette transformation de la chair. Transformation de la chair, et qui nous renvoie directement à toute cette mise en scène des fluides, de l'huile de vidange, du sperme, du sang, de la salive, et là dans la mouche du pu, etc. Et on sent que tout ça, en fait, c'est une grande circulation des fluides et que c'est en fait la même chose. C'est-à-dire que c'est, entre guillemets, orgasmique. Que le sperme, qui est plutôt le signe de la vie, le sang aussi, etc., mais l'huile de vidange, non, eh ben, de fait, si, ça participe d'un même grand mouvement orgasmique. et de création métamorphique possible d'un sujet qui sera de toute façon un sujet mutant. Bon, soit mutant avec la technique, soit mutant avec l'animal. Vous nous avez mis en bouche Cynthia Fleury, si j'ose dire. Alors voici l'extrait de la transformation du personnage de Seth Brundle en mouche. They'll be the ultimate family. A family of three joined together in one body. More human than I am alone. No. La chair est définie par le Pretium Doloris comme la modalité de la relation. Entre les êtres, il y a ce terme commun, la chair. Plutôt que matière, la chair est une sorte de texture intersubjective, de milieu formateur, dirait Merleau-Ponty. L'important dans la chair, ce n'est pas son aspect matériel, mais sa fonction formatrice. Elle donne forme à. Elle se situe dans l'ordre de l'a priori et pas de la posteriori. La chair, c'est le fond préalable à la saisie des corps propres. Toucher à la chair, c'est donc implicitement toucher à la possibilité de la saisie. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, nous parlons de David Cronenberg. Aujourd'hui, de son film Crash, avec un petit détour par la mouche. Vous avez eu le plaisir d'entendre la peau qui se craquelle du personnage du film La Mouche et qui se devient un mutant, c'est-à-dire une mouche. Et puis j'ai lu un extrait de votre livre, Cynthia Fleury, Pretium Doloris, Les deux versions de la chair, hein, l'accident et l'art, dites-vous un peu plus loin. Vous analysez ce qu'est la chair, vous dites, voilà, c'est pas juste quelque chose qui est là. Au contraire, toucher à la chair, c'est implicitement toucher à la possibilité de la saisie. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est la question que j'aimerais vous poser parce que c'est la question que soulèvent les films de Cronenberg, quand on touche à la chair, comme vous dites, quand on la montre cicatrisante, craquelante, est-ce que c'est pour filmer une destruction ou au contraire la possibilité d'une reconstruction ? Ah bah, l'ambivalence est là, c'est évident. Et je pense que Cronenberg dirait, voilà, derrière la question bien évidemment d'une destruction possible, vous savez, c'est la phrase de Ballard, alors je vais mal la citer parce qu'elle est trop loin dans mon esprit, mais voilà, le monde commençait de s'épanouir en blessure. Hein, c'est dans son livre, ça doit être au début, enfin, et on comprend d'abord, il y a quelque chose de la postmodernité. Il y a quelque chose de ce territoire nouveau du désenchantement. Et c'est à l'intérieur de ce désenchantement, et Dieu sait si quand on regarde Cronenberg, le désenchantement, encore une fois, il est patent. Il est patent par ces espèces de saturation, de voiture, de gris. Hein, vous avez vu cet univers chromatique qui est de noir et de gris, de noir et de gris, de noir et de gris. Voilà, en gros, c'est ça, et un peu de bleu. Bon, voilà, c'est ça Cronenberg, et de bleu, bien évidemment, sombre. Donc, bien évidemment qu'il y a cette ambivalence que vous soulignez. Maintenant, c'est clair, si vous voulez, que, voilà, laissons de côté Cronenberg, prenons simplement la question de l'accident. L'intégrité de soi, bien évidemment, dans la chair, elle est ressentie comme quelque chose d'immense. Vous avez des grands, Andrieux et d'autres, qui ont parlé du moi-peau. Hein, c'est-à-dire que la peau, la chair, ce n'est absolument pas quelque chose de matériel. Ça n'existe pas. C'est la vie, c'est la concrétisation, entre guillemets, c'est la continuité d'une âme. Et on n'a absolument pas du tout ce sentiment quand tout va bien, comme toujours, et puis... Quand précisément c'est frappé, il y a un sentiment, mais d'effraction, de viol même, pour beaucoup. C'est d'ailleurs très souvent dit dans la clinique des accidents, notamment pour les femmes qui ont eu le sentiment d'être violée, si vous voulez, d'être prise malgré elle, ce qui est la vérité aussi d'un accident, et donc d'être éventrée, et tout particulièrement si elles sont touchées sur, bien sûr, des organes qui sont liés à la sexualité. Je pense à la poitrine, je pense au visage, je pense bien évidemment aux organes génitaux, etc. Et donc c'est une atteinte maximale à soi, et donc c'est aussi une atteinte maximale à la possibilité de se raccorder au monde. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans la phase de rétablissement, dans la phase de rémission, dans la phase de résilience, ben, il va falloir en faire quelque chose de tout ça. C'est-à-dire de ce nouveau corps, parfois démembré, parfois, entre guillemets, mutant et précisément étranger parce qu'il y a de la prothèse et que c'est tout sauf votre chair. Et il va falloir raconter une histoire avec celui-ci et considérer que précisément c'est soi. Et ça, c'est tout sauf simple. Alors, est-ce que le film de Cronenberg raconte ça? Il n'y a pas il n'y a pas de quête de soi ou du sujet. Non. Au contraire, les personnages cherchent une forme de désubjectivation. Oui. Veulent se perdre dans une jouissance. Très clair. D'ailleurs, les scènes de sexe avec les corps meurtris, cicatrisés, où on voit même des langues qui essayent de pénétrer une cicatrice comme si c'était un sexe, la façon qu'a le métal de venir s'incorporer dans les actes, on est plus là, dans une espèce de surface ou de matière que de recherche de soi. Oui, on est dans une, vous avez raison, dans une jouissance de la disparition de soi, tout de même. Alors, en même temps, totalement avec ce paradoxe de totalement être auto-centré, si vous voulez, bon, donc c'est toujours eux, mais de fait, ce qui est logique d'ailleurs, à force d'être totalement centralisé autour d'eux et de la jouissance, c'est pour ça que je disais, il n'y a plus de monde commun, il n'y a plus, rien ne fait résistance. Et en plus, dans ce film, l'accident est partout. Partout, c'est-à-dire que quasiment dans chaque scène, il y a quelque chose qui rappelle cette possibilité-là, même si elle n'est pas immédiate, elle est latente dans tout le film. Le film raconte, en fait, un seul et unique immense crash qui se donnerait et qui se fragmenterait, si vous voulez, d'une certaine manière. Mais c'est le, voilà, c'est ça, très clairement. I really think of, je pense vraiment que mon travail au cinéma, c'est une façon d'explorer ce qu'est être humain. Quelle est la condition humaine? Et bien sûr, je suis un dramaturge. Donc, comme George Bernard Shaw l'a dit, le conflit, c'est l'essence du drame. On ne fait pas un film sur la normalité, sur la beauté, parce que c'est casse-pied. Donc, la combinaison de ces deux choses me mènent vers des terrains bizarres. Ça, c'est vrai. Mais c'est parce que, vous savez, c'est mon intérêt, comme un entomologiste, quelqu'un qui étudie les insectes. On voit les choses les plus bizarres, les plus étranges. Ça nous fascine, ça nous intrigue. Et vraiment, ça nous dit des choses sur nous-mêmes. Plus c'est bizarre, plus c'est étrange, et bien plus ça en dit sur la normalité. Not sure I can deal with it. It's much worse now. Have you noticed that? Yes. Le jour où j'ai quitté l'hôpital, j'ai eu l'étrange sensation que toutes ces voitures s'assemblaient pour une raison mystérieuse, dans un but qui m'échappait. J'avais l'impression qu'il y avait 10 fois plus de voitures qu'avant. On se fait peut-être des idées. La circulation. Il n'y a plus personne. Où est-ce qu'ils sont passés? Alors voilà, David Cronenberg joue un peu avec nous, hein, parce que d'un côté, il dit en début d'émission l'importance philosophique qu'il accorde au corps, et puis ensuite, il a l'air de dire dans l'extrait qu'on vient d'entendre qu'en fait, c'est aussi parce que la normalité est quelque chose de très ennuyeux et que finalement l'étrange et le bizarre est beaucoup plus propice à un bon scénario. Cela dit, ce qu'il dit sur l'espèce de côté étrange et bizarre de l'être humain, eh bien, permet de recentrer la discussion aussi. On disait toutes les deux qu'il y avait une forme de déshumanisation, de désubjectivation. Peut-être que pour lui, être humain, être un être humain, c'est aussi accepter cette partie de perte de soi, de fusion avec un objet métallique, pourquoi pas. L'extrait qu'on a entendu laisse entendre qu'il y a comme un jeu de miroir entre soi et la voiture. La personne sort de l'hôpital et dit « Tiens, j'ai l'impression que là, il y a beaucoup plus de voitures depuis que j'ai eu un accident. » Comme si, en fait, le monde métallique était le reflet de ce qui se passe en elle, oui, Cynthia Fleury. Il y a ça, et c'est vrai que... Alors, il va passer par cette exploration de l'étrangeté, du bizarre, de la marge, du transgressif, de l'ombre, on l'a dit, de la nuit, si j'ose dire, pour aller attraper l'humain. Et il a raison. La philosophie fait la même chose, la psychanalyse fait la même... Enfin, toutes les sciences humaines, l'art, bien évidemment, raconte toujours, au final, ce qu'est un homme. Et d'ailleurs, dans cet extrait, enfin, ils apparaissent, si j'ose dire, un peu humains. Ils apparaissent humains parce que, tout d'un coup, on les sent perdus. C'est-à-dire, on les sent, en fait, tout à fait conscients qu'ils sont submergés par quelque chose qui s'appelle la mégalopole technique, la circulation déréalisante... l'absence de sens, et cette déshumanisation là, elle les touche. Donc tout d'un coup, ils apparaissent comme des petites choses, alors que auparavant, on avait eu l'impression d'avoir des espèces de grands pervers en place. Non, en fait, c'est pas si simple si vous voulez d'aller naviguer en eau trouble de la perversion et en même temps de se retrouver dans ce monde qui lui-même en fait est déjà très pervers au sens où bon, il suffit de regarder le consumérisme délirant, l'obsolescence programmée, le fait que les valeurs sont totalement dessaisies, entre guillemets, des pratiques, etc., etc. Et je pense qu'il y a aussi ça. C'est pas conscientisé comme ça. C'est en 96, je rappelle que le film est sorti. Oui. Donc c'était... Mais vous aviez la même chose chez Ballard, qui a toujours considéré, si vous voulez, que, je vais le dire comme ça, que la science humaine la plus efficace et la plus pertinente, c'était la science-fiction, entre guillemets, au sens où il y a un côté dystopique dans l'œuvre de Ballard. Il y a un côté où on va flirter comme ça avec le pire d'une société, avec le pire d'une réflexion psychique, avec le pire d'un interrelationnel entre humains, etc., pour en fait tout bonnement raconter et l'homme et la société dans laquelle il vit. Et pourtant, le film est quand même plus subtil qu'une simple dénonciation de la société dans laquelle nous vivons. Tout à fait. Il est plus subtil que ça. Et il est aussi, si vous voulez, indépendamment d'être plus subtil que ça, il jouit de cela. Donc, c'est pour ça que c'est un univers de l'ambivalence. Et encore une fois, et puis alors, il jouit de ça à tous les niveaux, parce que il y a encore une fois, et dans Crash, c'est patent. Vous avez une esthétisation maximale, on dirait du Caravage parfois, sur certaines scènes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand tout d'un coup, en plus il y a une certaine lenteur qui est posée dans ce film, plus que dans d'autres, où tout d'un coup on s'attarde comme ça sur les corps, on s'attarde sur la ferraille, on s'attarde sur les lumières comme ça qui fusent. Donc il y a véritablement un côté pictural, artistique, tout à fait fondamental et qui est aussi une manière de sublimer et de dire que en fait, sous couvert de disparition, il y a quand même autre chose et il y a la sublimation d'un être humain. Qui peut passer peut-être par l'accident. On va écouter encore un extrait, on va retrouver le personnage de Vaughn qui est vraiment l'espèce de personnage sombre et noir du film. Il est lui-même scarifié sur le visage, sur le torse. Les deux personnages principaux fantasment qu'il en va de même sans doute de son pénis. Ils ne le savent pas encore au moment où cet extrait a lieu. Enfin, si c'est le cas ou pas, d'ailleurs, le spectateur ne le saura jamais. Il raconte à Ballard, donc le personnage principal, son projet. Parce qu'il a un projet. Lorsqu'il reconstitue l'accident de James Dean, par exemple, il vise quelque chose. Et contre toute attente, pour lui, l'accident n'a pas pour but de détruire, ni même de jouir, mais d'essayer de féconder. Il dit « l'accident n'est pas destructeur, mais fécondateur de quelque chose et peut-être d'une énergie sexuelle qui elle-même serait créatrice ». Il se présente en tout cas comme artiste et il décrit les accidents comme des œuvres d'art. Écoutez la discussion entre Vaughn et Ballard. Vous parliez de Camus tout à l'heure, vous verrez, il en est question. Je rêve de conduire une voiture accidentée. Si tu conduis comme ça, ça va pas tarder. Non, une voiture accidentée qui ait une histoire. La Facel Vega de Camus. Ou alors le break de Nathanael West. Ou la Rover 3500 de Grace Kelly. On répare un peu pour que ça roule. On nettoie rien. et on touche à rien d'autre. C'est pour ça que tu conduis ce modèle ? Tu vois l'assassinat de Kennedy comme une espèce d'accident de voiture ? T'es pas con, toi ? Oh, attention ! Tiens, jette un œil là-dessus. Dis-moi ce que t'en penses. Tu la reconnais, celle-ci, James Dean. Ça, c'est le prochain qu'on va faire avec Seagrave. Jen Mansfield. Ça procure une sorte d'exaltation. Je comprends pas bien pourquoi. Ça, c'est... c'est l'avenir, Ballard. Et tu en fais déjà partie. Tu commences à voir que, pour la première fois, il y a une pathologie complaisante qui nous fait un signe. Par exemple, l'accident de la route n'est pas destructeur, mais au contraire fécondateur. D'une libération d'énergie sexuelle. Concentrant la sexualité de ceux qui sont morts avec une intensité impossible à atteindre autrement. Cette expérience-là, je dois la vivre. Je dois... C'est mon projet. C'est mon projet. Le personnage s'exprime à la fois en termes cliniques, pathologiques, et en termes quasiment métaphysiques lorsqu'il dit « Mais ça, c'est l'avenir et tu en fais déjà partie ». On a là un thème qui est très cher à Cronenberg, qui est une sorte d'anticipation, de dire « Mais ce qui se passe aujourd'hui, ça se passera encore plus demain. » Et nous tendons, nous avons le projet de préparer ou d'anticiper ce monde de demain, cet avenir, Cynthia Fleury. Oui, non, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que c'est pas si simple que ça de dire simplement décadence, destruction, disparition, puisque il faut rajouter effectivement l'item avenir. L'avenir se vit, se vivra comme grand mouvement de disparition et de sublimation de cette disparition. Donc c'est ça. Donc ça, c'est un premier point qui est pas annonciateur non plus de ciel radieux, mais qui est pas totalement pas totalement faux. Et puis on voit aussi, il y a plusieurs choses que il a un rapport à l'accident qui est, on appellerait ça aujourd'hui, je sais pas moi, une installation en art contemporain, c'est-à-dire que, en gros, avec ceci près que... Il prend tout en photo d'ailleurs, hein, oui, je n'ai pas précisé, toujours, c'est toujours, le but. Et qu'il a créé avant l'heure l'installation contemporaine immersive, si j'ose dire. Puisqu'aujourd'hui, on fait par exemple du théâtre immersif. On voit très bien qu'on n'est pas loin de ça, d'une certaine façon, parce que quand on voit la reconstitution de l'accident, d'ailleurs on l'avait entendu dans l'extrait, les applaudissements, etc., mais ça forme comme une espèce de cocon. Et c'est très important, hein, encore une fois, les gens sont là, vivent, ressentent, craignent pour leur propre vie, alors que, bon, il ne s'agit pas de ça, mais parce qu'ils savent très bien qu'il y a un risque mortel dans la conduite de l'accident. Donc, et puis ce jeu qu'on connaît, et qui est une vérité hélas psychanalytique de l'Eros et le Thanatos, on l'a dit, c'est-à-dire que oui, de fait, il y a quelque chose aux confins de la mort qui est une énergie vitale maximale, il y a une libération possible sexuelle, ce qui est logique, puisque si vous voulez, dans l'intensité d'un fracas avec le réel, bah, il y a tout d'un coup comme une espèce de concentration maximale d'expérience, et c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais comment ça se passe? Alors là, je m'adresse à la psychanalyste que vous êtes. Comment est-ce que la proximité de la mort peut libérer la pulsion sexuelle? Ça, on aimerait bien savoir comment ça se passe. Parce que c'est mais ça qu'il dit clairement, hein, quand c'est un fait. Alors, c'est un fait, après, qui varie selon les sujets. Mais très, très souvent, dans la confrontation, bien évidemment, avec la mort, il y a un instinct vital qui se met au diapason, mais ça dépend aussi, parce que ça dépend dans quelles circonstances. C'est-à-dire que, en fait, parce qu'il y a aussi une disparition de l'état vital et comme un renoncement avant l'heure qui peut aussi se mettre en place dans certaines situations où, en fait, si vous voulez, quand le sujet a le sentiment d'une impuissance totale, très souvent, il y a un phénomène de résignation cognitive, c'est-à-dire comme s'il se préparait à accepter le pire. Mais si le sujet a, au moment du danger, au moment de la confrontation avec la mort, la possibilité de fuir, de s'échapper, ou en tout cas il conscientise cette possibilité de s'échapper, ou la possibilité de combattre, c'est-à-dire de faire face, s'il se conçoit dans une ou deux de ces possibilités, ça c'est de l'instinct de vie, c'est de la pulsion de vie, et ça c'est de l'énergie sexuelle, parce qu'il faut faire face à ça. En revanche, c'est quand il y a un piège à ces deux niveaux de possibilités que généralement, bah pour le coup, il y a vraiment une disparition de l'énergie sexuelle. Donc ici, l'énergie sexuelle serait une forme de défense ? Serait un jeu avec la mort, au contraire une protection contre la mort ? Là, les deux, puisque en gros, ils vont quand même au contact. Donc je dirais qu'ils sont dans un dans le ils vont au contact, ils couchent ensemble. Ils couchent ensemble, ils vont les deux personnages masculins. Les deux personnages masculins couchent ensemble, donc c'est plus après que le personnage féminin ait fantasmé cette scène d'ailleurs. Tout à fait, donc ça c'est voilà, c'est important. Donc il y a aussi la rencontre parce que c'est a priori peut-être la première fois qu'il couche avec un homme en tout cas le narrateur et donc voilà, c'est ainsi. Si vous voulez, il n'y a pas... Non, c'est un film qui est assez... Encore une fois, c'est un film assez passionnant pour explorer, je dirais, effectivement, les parts sombres de soi. Aviez-vous vu le film Dangerous Method ? Non. De Cronenberg, qui met en scène les discussions, les disputes qu'il peut y avoir entre Freud et les psychanalystes de son temps, et qui mettait en scène précisément, et c'est pour ça que je vous posais ces questions, le processus qui consiste à exprimer de manière névrotique, donc souvent par le corps, une souffrance antérieure et qui est directement liée à la sexualité. C'est un thème que Cronenberg affectionne particulièrement et c'est très intéressant de voir comment cette dimension psychanalytique, donc invisible, eh bien, il tente de la figurer à l'écran. Et c'est là où son travail est redoublé d'une teneur, d'une profondeur qui est assez fascinante. Oui, alors ça, c'est vrai dans tous ses films. C'est vrai dans tous ses films qu'il va avoir toujours, une dimension psychanalytique, une dimension métaphysique, spirituelle, une dimension, l'air de rien, peut-être malgré lui, politique, parce que ça raconte toujours quand même quelque chose d'une métamorphose de la société. Hein. C'est pas simplement ces êtres-là qui se transforment, parce que lui, il attrape par le singulier d'une situation, bien évidemment, le côté particulier, mais ce qu'il l'a dit tout à l'heure quand on a écouté sa parole, de fait, c'est par ce singulier qu'on va aller toucher à, tiens, qu'est-ce qu'il fabriquera demain la normalité de l'homme et comment ce qui nous paraît totalement incongru, absurde, pervers, etc., en fait, deviendra demain quelque chose de tout à fait ordinaire. Ah, vous pensez que c'est ce qui dit que la perversion sera demain de l'ordre de la normalité ? Ah oui, je pense que il y a quelque chose d'un destin pervers ou d'un destin ordinaire de la perversion. Oui, très clairement. Mais la perversion fait déjà partie du présent, elle peut pas être s'amplifier. Mais dans l'histoire de l'humanité, la perversion s'est amplifiée, vous pensez ? Je ne sais pas si elle s'est amplifiée, mais en tout cas ça ce que raconte là, c'est le fait que petit à petit, elle s'amplifie par le fait que elle se normalise, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus présente et de moins en moins identifiée comme perversion. Et donc, ce qu'il montrerait à travers ses films, ce serait cette forme d'anticipation d'un règne de la perversion. Non, peut-être, c'est pas forcément ça, mais ça raconte, si vous voulez, très clairement une mutation psychique aussi des hommes. En tout cas, je pense qu'il y a à la fois cette idée que, tiens, on reconfigure l'avenir demain, mais que cet avenir reconfiguré, il est inséparable d'une reconfiguration de la psyché humaine, ce qui est d'ailleurs tout à fait logique. Et lui, son moyen d'investigation, c'est le cinéma pour raconter ça. Et encore un dernier point sur Crash et sur l'importance de la voiture. On peut regarder ce film aussi comme un film sur les voitures, avec tout simplement un goût pour le véhicule, tôle froissée et le choc accidenté, même si c'est volontairement, entre ces véhicules-là. Mais il y a aussi cette idée d'un monde, vous dites déshumanisé, mais qui surtout serait de plus en plus habité et investi par autre chose que l'humain. Et ça, on le retrouvera dans Existence et dans la suite de l'œuvre de Cronenberg. Mais le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde d'abord humain, de quoi est-il vraiment composé ? Tout à fait. Et ça, c'est un enjeu considérable de voir que nous sommes là, à l'instant, avec les derniers hommes, d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose comme ça. Bien évidemment, c'est pas posé de façon aussi flagrante, mais il y a le fait que c'est l'univers machinal, c'est l'univers technique et de fétichisation de cette technique qui va prendre la main. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut pousser la réflexion, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais on peut considérer que face à cet univers tellement immense des machines, la seule façon de résister, c'est aussi de effectivement de considérer que la jouissance passera par eux et de se mêler et d'avoir un coït possible avec elles, puisque de toute façon elles sont déjà bien plus nombreuses. Et bien ça, voilà, le programme de la journée est énoncé. Merci Cynthia Fleury. On se quitte avec une chanson très à propos, bien qu'on ne la trouve pas dans le film Crash, une déclaration d'amour à sa voiture, c'est Queen. Merci beaucoup Cynthia Fleury d'être venue nous parler de Crash aujourd'hui. Merci à vous. Je renvoie les auditeurs à votre livre puisqu'il en a été question aujourd'hui, Pretium Doloris, l'accident comme souci de soi aux éditions Fayard. Votre dernier livre s'appelle Les Irremplaçables et est disponible chez Gallimard. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. De quoi nous parlez-vous ce matin ? Eh bien, c'est un marronnier dans le monde de la philosophie, parler de la philosophie pour les enfants. Ce journal s'y est consacré plusieurs fois, de l'atelier philo pour tout petit à la question de l'enseignement avant la terminale. Encore une fois, l'actualité éditoriale s'impose sur ce sujet avec deux livres et un film de Cécile Dangean. C'est le petit cercle des philosophes qui suit des ateliers philo et méditation par Frédéric Lenoir. Vous allez mettre votre attention sur votre respiration. Soyez attentif à ce que vous ressentez. S'il y a des idées qui viennent, des pensées, vous les laissez passer, hein, vous ne les suivez pas, et vous revenez à la présence de votre corps. Et maintenant, vous prenez une grande respiration, et vous pouvez ouvrir les yeux, chacun à votre rythme. Quand vous avez envie d'ouvrir les yeux, vous ouvrez les yeux. Tu commences à t'endormir? Moi, j'ai ressenti que je connaissais rien. J'ai senti partout que c'était chaud. Et après, dans mon imagination, j'ai vu des carrés qui passaient devant moi. Tu as vu des choses, ouais. Et après, à la fin, j'ai vu une omelette. Une omelette. On prend toujours plaisir à écouter, à regarder des enfants en atelier philo. Plus étonnés, plus naïfs, plus imaginatifs que nous, on est toujours surpris par l'insolite et la profondeur de leur vision du monde. Qu'il s'agisse de grandes questions comme l'amour, la mort ou le temps, ou qu'il s'agisse de leur manière de manier les images et les exemples, on ne peut qu'être d'accord avec cette idée de philo pour enfants. Pourtant, comme le rappelle Johanna Hocken dans son livre « La philo pour enfants expliquée aux parents », les philosophes classiques n'ont jamais vraiment défendu cette initiative. D'une part parce qu'ils présupposaient que leur discipline nécessitait connaissance, expérience et maturité, et d'autre part parce que l'enfance n'est que peu traitée et valorisée en tant que telle. Je rappelle que Descartes avait pointé les erreurs enfantines de perception et de jugement, et que Platon voyait dans le pouvoir accordé à la jeunesse le risque d'un renversement des valeurs et même d'une tyrannie. Alors entre le désir, soyons honnêtes, devenu un petit peu bien pensant d'éveiller les enfants à l'esprit critique, et la position des philosophes classiques sur l'enfance, faut-il et comment et encore défendre la philo pour enfants ? Alors votre maître Olivier vous a expliqué ce que je viens faire. Oui, oui. Voilà. Je vais faire plusieurs fois avec vous des ateliers de philosophie de méditation. Parce que moi, vous savez, j'ai appris la philo, j'étais très jeune aussi. Et ça m'a énormément aidé. Ça m'a aidé à apprendre à discerner, à apprendre à juger, à réfléchir. Parce qu'on reçoit tous, dans nos familles, dans la société, un tas d'informations. Et souvent, on n'a pas d'esprit critique par rapport à ça. Et il y a un philosophe qui s'appelle Montaigne. Il disait à l'école, on nous apprend à avoir une tête bien pleine. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de connaissances. Et il disait, il faudrait nous apprendre aussi à avoir une tête bien faite, c'est-à-dire apprendre à bien penser. Défendre la philo pour enfants, tout dépend en fait de ce que l'on entend par philosophie plus que par enfant. Si comme le dit Montaigne, la philosophie est moins une question de contenu que de contenant, et moins une question de fond que de forme et d'usage, la philosophie semble s'imposer aux plus jeunes. Et si la philosophie, et comme l'a dit Derrida, doit contribuer à former les citoyens éclairés, elle s'impose aussi à eux. Et si comme l'a dit Aristote, la philosophie est cet art de l'étonnement, ce n'est même pas elle qui s'impose aux enfants, c'est carrément les enfants qui s'imposent à elle. Mais reste alors la question de comment défendre la philosophie pour enfants, moins du point de vue des arguments que de la manière de le faire. Anaïs. Moi, le plus important, c'est d'être vivante. Le plus important, c'est d'être vivante. Est-ce que le seul fait d'être vivante, ça te rend heureuse ? Oui. Au début, je me disais que c'était du sport, la philosophie, mais après, je me suis dit, c'est pas possible, je me suis trompée moi-même. Comment réaliser que l'on peut se tromper ? Comment laisser parler quelqu'un en désaccord ? D'où viennent nos croyances et nos idées ? Comment se forger une opinion solide et la défendre ? Le film de Cécile Danjean ou le livre de Johanna Hocken montre à quel point est en jeu la question du comment avec les enfants, c'est-à-dire de la pratique et de l'espace de l'atelier. Le deuxième livre, dont j'aimerais vous dire deux mots, livre de François Galichet, philosophe à tout âge, insiste quant à lui sur le fait non pas de conceptualiser mais d'interpréter. C'est-à-dire de s'ancrer toujours dans un contexte, dans un rapport à l'autre, soit l'idée de ne pas acquérir des connaissances extérieures, mais d'extraire de chaque figure en soi sa propre grandeur, ce qui s'applique d'ailleurs autant aux enfants qu'aux adultes. Mais c'est du sport, la philosophie, j'aurais aimé répondre à cette petite fille. C'est vraiment vrai, sportif, on en fait Lenoir la preuve tous les jours. Donc je rappelle les titres, c'est François Galichet, philosophe à tout âge, c'est chez Vrin, la philosophie pour enfants expliquée aux adultes chez Temps présent de Johanna Hocken et le cercle des petits philosophes de Cécile Danjean au cinéma. C'est noté, votre chronique Géraldine est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Marie Simon, Sharon Houry, Anaïs Isbert, Philippe Baudouin à la réalisation, Delphine Baudet à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur philosophie et cinéma. Demain, on parlera du sang à l'écran en compagnie de Philippe Rouillet. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez réécouter chaque émission en ligne ou bien la podcaster, la télécharger, comme ça vous pourrez l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, l'équipe des Chemins de la Philosophie tient un compte Facebook, Twitter et Instagram où nous serons ravis de discuter avec vous. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.